بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. فنواصل في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. وقد دخلنا في باب الزكاة في الدرس السابق ورأينا تعريف الزكاة وأصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وسنشرع بدخول الصنف الأول وهو زكاة الحيوانات. دونك بإذن الله dans l'explication de durar al-bahiyya nous allons rentrer dans babu. Nous sommes déjà rentrés dans babu zaka et nous avons vu la définition qu'a donné le cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors avant de commencer dans le bab que nous allons aborder, qui est babu zakati al-hayawan, le chapitre la zakat du bétail. La zakat du bétail. Tayyib. Donc, ma première question, ma tarifu al-zakat, lughatan wa sharan. Quelle est la définition de al-zakat dans la langue arabe et dans la législation? On regarde pas, on ferme. Donnez-moi la définition de la zakat. Non. Quelle est la définition de la zakat? Awalan lughatan, dans la langue arabe. Ma ma'na zakat? Non. Purifier, c'est l'un des sens. Mais ce qui est voulu par la zakat ici, c'est annama, le fait d'accroître ou ziyada. Voilà pourquoi on dit zaka azzaro idanama, c'est-à-dire la plantation ou bien ce qu'on a planté, zaka, lorsque la plantation commence à accroître. Tayyib, adamana الزكاه لغه. واما الزكاه في الشرع تلا ديفينيسيون دي زكاه دان لا شريعه. نعم. ما معنى الزكاه في الشرع؟ نعم. Ce qui veut dire que vous ne bossez pas. Harun alaykum. Un bien précis. Harun alaykum. Harun alaykum. Fa huwa haqqun wajibun. في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. انتهى الموضوع. C'est un droit obligatoire. فهو حق واجب. C'est un droit obligatoire. Le droit, il est obligatoire sur quoi? في مال خاص. Sur un bien spécifique. طيب. Par exemple, les bestiaux. Le chameau, c'est un bien qui est khas. Fi waqt li ta'ifatin makhsusa. Et on donne un groupe bien spécifique. On ne donne pas la zakat à tout le monde. On donne à 8 groupes de personnes. Comme Allah dit dans surat At-Tawbah. Tayyib. Fi waqtin makhsus. Dans un temps spécifique. Tayyib. Voici la définition de la zakat sharan. Je vais revenir sur la question la semaine prochaine. Sur la même question. طيب je vous laisse encore. طيب deuxième question. ما أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة. Quels sont les types de biens dans lesquels la zakat est obligatoire? Celui qui soulève la main, il me cite tout. On ne cite pas un à un. Non. Khamsa, vas-y. Bahimatul Anam, les bestiaux. Non. Kul bil arabiya nafam. An-naqdan. Az-zahab wal-fidda. Hein? Tayyib. Al ma fahimtu al hubub wa simar. Al hubub wa simar, c'est quoi? Les graines et puis les fruits. Ça va? Tayyib. Naam. Ça c'est troisième, ça c'est deuxième ou bien troisième? Naam. Aroud Tijara, c'est-à-dire les expositions commerciales, ce qu'on expose pour vendre. Non. Nasid al-Khamis. Non. Qui va compléter le Khamis? Non. Al-Ma'adim wal-Rikaz. Est-ce que tu as trouvé même? T'as dit Abahaïm, on a déjà dépassé ça, mon ami. Al-Ma'adin wal-Rikaz. Al-Ma'adin, c'est quoi? Les trésors dans le sol. Hein? Tayyib. D'accord. Voici les 5 types de biens sur lesquels il y a la zaka. Mais nous avons dit qu'il y a un type où il y a une divergence au niveau des savants. C'est quel type? Arut, Tijara. On a dit le Qawlu Sahih wa Raji, c'est quoi? C'est qu'il y a zaka dessus. Voyez? Non. Donc aujourd'hui, bon. Troisième question. Oui, bien sûr. Et préparez-vous pour le cours prochain. Parce que vous aurez beaucoup de questions. Peut-être on va faire tout le DAS en question. Ok? Taïb. Ma shurut wujub zakat. Quelles sont les shurut? Les conditions de l'obligation de la zakat sur une personne. Naam. Naam. Mokhtar. Pubert. Atteint le nisab. C'est-à-dire, la personne doit être baligh. Vous êtes d'accord? Oui, le mu'allif ici, il a mis cela comme charte. Mais nous avons discuté ça. Ça va? Ok, lui, il a dit al-boulour. Toyib, il a dit quoi? Il doit être akil. Akil. Ok. Et il doit posséder le nisab. C'est ça? Bon, toyib. Le boulot, on a montré ici que le boulot n'est pas une condition. Toyib. Pourquoi le boulot n'est pas une condition? Hein? Fale anna ba'd al ulama, ka certains savants, ja'alaha, yani ja'ala zakat min al ibadati al mahad. Ils ont fait de la zakat parmi les adorations. Donc, les adorations de façon mahat, pure, ils disent, inna sorir wal majnoun, laysa min ahli al ibada. Ils disent que l'enfant et le majnoun ne font pas partie des gens que l'adoration les concerne. Ça, c'est ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire sur les enfants et les majnoun. C'est pas ça? Ammal ba'dul akhar. Quant à d'autres, ils ont dit, essayez de mettre sur le pouvoir, si ça sort dehors. Faut garder dedans. Hein? Non. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les autres disent Fajar les zakat min haqq il mal. Eux ont rendu la zakat comme le droit qui est dans l'argent. Ça va? Donc, eux ont dit Annaha wajibatun fil mal. C'est obligatoire dans le bien, les ahli zakat, pour ceux qui doivent donner la zakat. Donc, ils ont dit, la yashtaritu al-boulour wa al-aql. La puberté et la raison ne sont pas une condition. Li annaha hukmun rutiba ala wujudi sababi. Parce que c'est un jugement qui est classé sur la présence de sa cause. Est-ce que vous comprenez? Donc, wahua boulourou nisab. Et c'est le fait que le nisab, le quota, soit atteint. Donc, fadja al-zakat, ils ont fait de la zakat, comme par exemple al-mutlafat, c'est que l'enfant, par exemple, gâte. Si l'enfant gâte quelque chose, est-ce qu'on va dire que l'enfant, il n'a pas le boulourou? On va prendre de son argent pour réparer. N'est-ce pas? Donc, faja'alouha hakeza. Tayyib. Et, as-sohi, ce qui est correct et authentique, on a dit, anna zakat wajibatun fi malil muslim al-hur. C'est obligatoire sur le bien du musulman qui est libre. Parce que, l'esclave, la yamliku shay'an. Balayam likunasa. Est-ce que l'esclave, il détient quelque chose? Il ne se détient pas lui-même. Il est esclave. Toyib. Milku. Raqiq. Ouais, al-abd. Ce que détient l'esclave, c'est Milku li. C'est Yidi. N'est-ce pas? Donc lui n'a pas de zakat. La zakat est obligatoire fi malil muslim. On dit Toyib. Fi mali al-muslim. De façon spécifique, fi malil muslim. Al-hur. Sogiran kena ou kebira. Qu'il soit grand ou petit. Majnounan ou aqilan. Qu'il soit grand. Parce que c'est hakun muta'alliqun bil mal. C'est lié au bien. Tayyib, c'est comme l'enfant dont les parents lui ont laissé de l'héritage. Tayyib. Et cet argent est là. Cet argent travaille. Ça va, on fait du commerce avec. On ne dirait pas qu'on ne doit pas faire la zakat parce que c'est l'argent de l'enfant. On fait la zakat si Arout, à Tijara, madame, si c'est un bien. La zakat vient purifier le bien. Tayyib vient purifier et c'est hakun wajib. C'est un droit obligatoire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous donne la compréhension. Tayyib, zakat al-hayawan. Notez bien. Ok? Qala, il dit, innama tajibu fi na'ami wa hiya al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Tayyib. Al-ibil wal-baqar wal-ghanam. C'est trois types d'animal. Zakatul al-hayawana. Les chameaux, les vaches et les moutons. Ça va? Les chameaux, les vaches et les moutons. النوع الأول من الأموال، le premier type de bien التي تجب فيها الزكاة، dans lequel la zakat est obligatoire، الحيوانات المملوكة، ce sont le bétail possédé qu'on possède. Ça va? Wala tajibu fi jami'i al-hayawanat. Ce n'est pas obligatoire dans tous les animaux. La zakat n'est pas obligatoire sur tous les animaux. C'est trois types seulement. On a dit les chameaux, les vaches et les moutons. Mais aussi, ce n'est obligatoire que si ceux qui sont nommés Asaïma. Écoutez très bien. On va voir cela, biznillah. Asaïma, c'est ceux qui ont été nourris avec les herbes qui n'ont pas été achetées, qui n'ont pas été cultivés par la personne qui les détient. C'est-à-dire, lorsque tu sors dehors, tu vois des herbes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées comme ça. S'ils ont été nourris par ces herbes-là, alors on fait la zakat sur eux. Mais si la personne, il a acheté la paille pour donner à ses animaux, il n'y a pas la zakat, même si ça atteint les nisab. C'est compris? Non. Des herbes où? Non. Ici, les herbes que tu vas acheter pour leur donner est différente des herbes que tu vas couper. Tu as compris? Ou bien les herbes que tu cultives. S'il y a le cadre, la fatigue, dans le fait de cultiver des plantes bien précises, et que tu donnes à ces vaches ou bien à ces chameaux, alors il n'y a pas de zakat. Parce que il y a le cadre ou table que tu fais. C'est vrai, les herbes que tu vas couper, c'est des herbes, tu fais la fatigue, mais c'est des herbes qui sont pas minkasbik. De ce que toi, tu as fait l'effort d'avoir. C'est compris? Soyons précis dans ce cas-là. Ok? Now. Non. Ah. S'ils sont allés, il y a zakat dessus. Oui. Il n'y a pas de zakat. Même s'ils ont atteint le quota. Ok? Non. Non. Non. Non. C'est-à-dire, on a fait gagner. On les a chassés pour aller manger de l'herbe. Non? Non? Non, je veux dire, ici, les herbes dont la personne n'a pas planté, ça va? Arroser, entretenir, ce sont des herbes qui ont poussé comme ça. Si les animaux y mangent cela, ça va? C'est-à-dire, chaque matin, ils sont avec ses bœufs, comme on voit dans les villages, ils sont avec ses bœufs pour aller manger les herbes qu'Allah a créées. Donc, c'est sur ces animaux-là qu'il y a la zakat. Mais si c'est des animaux qui sont attachés, ou bien ils sont mis dans un, on dit enclos, non? Et puis la personne va chercher des herbes. S'ils sont des herbes déjà qui sont sur la terre, que lui n'a pas fait, il n'a pas planté, il n'a pas acheté, alors il y a la zakat. Mais si c'est lui-même qui achète, et qu'il a planté ces herbes-là pour venir les donner, alors c'est les animaux ne font pas partie de ce qu'on appelle Asa'im. On va voir ici ça. Ne vous précipitez pas. Voyez. Ah. Ah. Non, c'est vrai. Ta question est très intéressante. Ici, il faut savoir déjà une chose. Ce que tu plantes, ce n'est pas seulement ton arrosage qui est sur cette chose-là. Souvent, il pleut. Ok? Donc, ce que tu plantes, c'est son hukum qu'on regarde. L'effort que tu fais, tu plantes, tu arroses, c'est son hukum qu'on regarde. On va arriver sur la zakat des hubub ou simar. Ça va? Là-bas aussi, si tu as planté et que tu as arrosé, le hokum n'est pas pareil avec ce que tu as planté et puis tu attends la pluie. Ok? Mais Inch'Allah, on va plus devant pour mieux comprendre. Ok? Vous avez compris? Tayyib. Donc, ici, wa na'am fassaraha al-mu'allif. L'âme ici, les animaux, le bétail. L'auteur du livre, qui est l'imam Shaukani, il a expliqué ici par trois types d'animal, de bétail. Ça va? Il a dit quel est quel? Le chameau, la vache et le mouton. C'est ça? Toyib. وَدَلِيلُ وُجُوبِهَا فِي هَذِهِ السَّلَاسِ دُونَ غَيْرِهَا. La preuve qui montre que ce sont ces trois seulement qui sont obligatoires en dehors des autres, c'est le hadith de Anas que nous allons mentionner, Mufarraqan, de façon séparée. Le hadith, on va le mentionner de façon séparée parce que le hadith, il est long. C'est compris? Mais chaque fois qu'on va parler des jugements, on va, bismillah, prendre le hadith. Et puis on va utiliser la partie qui convient avec le jugement qu'on veut mentionner. C'est compris? Naam. Et le hadith de Abu Zar. Fayyib. Faslun. Qala al-muallifu rahimahullah. Iza balagha al-iblu khamsan. Si le chameau atteint 5 chameaux, la zakat fafi hachatun, c'est un mouton qu'on donne comme zakat. Mais celui qui a un chameau, il a 2, il a 3, il a 4, est-ce que la zakat est obligatoire sur lui? Hein? Celui qui a 1, 2, 3, 4 chameaux, la zakat est obligatoire sur lui? Répondez à Dieu. La limada. Ça n'atteint pas 5. Akollu al-adad kam khams. Ça va? Donc si les chameaux, ils atteignent 5. On donne quoi en zakat? Un mouton. Summa fi kulli khamsin shatun. On compte. Ça va? On va le taire à terre pour que vous compreniez. Dans chaque 5, il y a un mouton. Et la limite, c'est 25. À partir de 25, nanta kilou. Et la reine Richard. On va vers ce qui n'est pas un mouton qu'on doit donner en zakat. C'est compris? Toyib. Si quelqu'un, il a 5 moutons, il doit donner. Et 5 chameaux, il doit donner combien en zakat? Un mouton. S'il a 6 chameaux, un mouton encore. Parce qu'il dit dans chaque 5. S'il a 7 chameaux, s'il a 8 chameaux, un mouton. S'il a 9 chameaux. Et s'il a 10 chameaux, 2 moutons maintenant. C'est compris? Toyib. De même, s'il a 11, c'est combien? Toujours 2. Jusqu'à 14, c'est 2. À 15, il passe à combien de moutons? 3 moutons. S'il a 15 chameaux, il passe à 3 moutons. Ok? Maintenant, s'il a 16, 17, 18, 19, il est toujours à 3 moutons. S'il a 20, il a combien? 4 moutons. Et la limite, c'est 4 jusqu'à 25. Là, on passe sur autre. Et on va le voir ici. Si ça atteint 25 chameaux, fafiha ibnatu makhadin. Makhad, c'est ce qui a un an. Ça va? Mais ici, c'est une petite chamelle femelle qui a un an. Est-ce que vous avez compris? À partir de 25, c'est Ibnatu Mahad. C'est compris? Toïb. Ou il a le choix de donner Ibn Labounin. Le Laboun, c'est ce qui a deux ans. Mais ici, c'est le mâle. Ibn Laboun, c'est le mâle d'un chameau qui a deux ans. Il a le choix. Ça va? Si il a 25 chameaux, s'il veut, il donne une chamelle, c'est-à-dire femelle, qui a un an. S'il veut aussi, il donne un petit chameau qui a deux ans. C'est ce qu'est Ibn Labounin. Mémorisez bien. Le Mahat, c'est ce qui a un an. Le Laboun, c'est ce qui a deux ans. Maintenant, ce qu'on appelle, ce qui a trois ans, on appelle cela Hekatun. Ça va? Hekka. Maintenant, ça dépend. On peut dire Bintu Laboun, Ibn Laboun. Ça va? Bintu Laboun, ce qui a deux ans, c'est ce qui est Laboun. Si on dit Bintu Laboun, c'est-à-dire c'est une chamelle femelle qui a combien d'années? Deux ans. Retenez bien cela, ça va vous faciliter plus. On a dit Mahat, c'est combien? C'est un an. Ça va? Et Laboun, c'est deux ans. Et Hekatun, c'est trois ans. Et Jazatun, c'est quatre ans. C'est compris? Trois ans. Et Jazatun, c'est quatre ans. C'est compris? Si vous avez mémorisé bien cela, le nombre d'années des chameaux, alors vous saurez maintenant le nombre de zakat qui doit être donné en fonction de ces chameaux-là. Mais tous ces noms-là désignent des chameaux. Ça va? Mahat, c'est combien? Un an. Laboun, deux ans. Hekatun, trois ans. Et Jazatun, c'est combien d'années? Quatre. C'est compris? Toyib. Allons maintenant. Si les chameaux sont à 25, il doit donner quoi? 25 chameaux. Qu'est-ce qu'il doit donner? Hein? Une chamelle de un an ou bien un petit chameau de deux ans. Ok? Toyib. Wafi sittin wa salatin. Maintenant, à partir de 36, ça va? À partir de 36, Ibnatu Labounin. Laboun, on a dit, c'est combien d'années? Deux ans. Donc, c'est une chamelle femelle de deux ans qu'il donne en zakat à partir de combien de chameaux? 36 chameaux. Donc, restons toujours concentrés. Si il a 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 jusqu'à 35, c'est le même jugement du 25 là qu'il donne. C'est compris? Hein? Ça y est. Mais à partir de 36, il doit donner quoi? Ibnatu Labounin. Ça va? Si vous n'avez pas bien compris, vous posez les questions. Ça va? Maintenant, wa fi sittin wa arba'ina. À 46 maintenant, il donne hiqqatun. Il donne hiqqatun. Hiqqatun, c'est quel? C'est le unsa, la chamelle femelle qui a atteint 3 ans. Mais ça, c'est à combien? À partir de 46. Donc, Toïb, si nous prenons à partir de 36 jusqu'à 45, il donne quoi? Ibnatu Labounin. Ça va? Une femelle de 2 ans. Maintenant, si ça passe à 46, il commence à donner une femelle de 3 ans. OK? Une femelle de 3 ans. Ensuite, Wafi ihda wasitina. Lorsqu'il atteint maintenant 61, il donne jaza'atun. Jaza'atun, c'est lequel? C'est la femelle qui atteint 4 ans. Oui, c'est la femelle qui atteint 4 ans. OK? Nam. Ici, on a dit jusqu'à 46. À partir de 46, il donne quoi? Hiqqatun. Notez bien. Ça va? Car je vais vous poser des questions. Le dars prochain. OK? Nam. À partir de 46, c'est combien? Une chamelle de? Hein? Hekotun. Une chamelle femelle de 3 ans. Maintenant, à partir de là, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, jusqu'à 60. Jusqu'à 60 chamelles, il continue à donner la femelle de 3 ans. Ça va? Toyeb. Ensuite. Il est obligé de donner une femelle de 3 ans. C'est ce qui est venu dans les nusus. Ça va? Calculer son argent. Hein? Il achète pour donner. Oui, bien sûr. Tayyib. Nam. Donc ici maintenant, à partir de 61, il donne combien? Jaza'atun. Jaza'atun, c'est une femelle de 4 ans. Wafi sittin wa salasin. Ça va? Wafi sittin wa sabi'in. Maintenant, jusqu'à 76, il donne 2. Mais c'est binta labounin. Ça va? C'est-à-dire de 61 jusqu'à 75, il continue de donner jaza'atun. Ça va, 4 ans. Femelle de 4 ans. Il continue à donner femelle de 4 ans. Maintenant, à partir de 76, il donne 2 femelles de 2 ans. C'est compris? Il donne 2 femelles de 2 ans. Binta Labounin. Wafi ihda wa tisaina. Maintenant, à partir, s'il prend de 76 jusqu'à 90, il continue à donner ses 2 femelles de 2 ans. Mais à partir de 91, il donne hiqqan. Hiqqatan, afwan. Il donne hiqqatan. Hiqqatun, c'est quoi? 3 ans. Chamel, une femelle de 3 ans. Il donne 2. 2 femelles de 3 ans à partir de 90. Ça va? Maintenant, 91, afwan. Maintenant, ici, il a mis atin wa ishirin. Il va donner 2 femelles de 3 ans jusqu'à 120 chameaux. De 91 jusqu'à 120 chameaux, il continue à donner 2 chamelles de 3 ans. C'est compris? On va rentrer dans les détails business là. Faïza Zadat, maintenant, si ça s'augmente à 120, par exemple, à partir de 121, il va calculer maintenant, Fikouli Arbaïna, chaque 40 chameaux, il donne Ibnatou Labouni, une femelle de 2 ans. Ou bien, s'il veut, il calcule Fikouli Khamsina, Hekaton. Sur chaque 50, il donne une chamelle de 3 ans. On va faire le calcul pour que vous compreniez mieux. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, ça c'est les étapes. Maintenant, à partir de 121, il décide maintenant de choisir une autre règle. Et la règle, s'il veut, il donne, il compte à 40-40. S'il veut maintenant, il compte à 50-50. Ça dépend de lui. Mais ce qui est le plus proche de pouvoir englober le nombre. Ça va même s'il y a quelques points qui restent à la là-bas s'habiller. Par exemple, celui qui a 120 chameaux, 121, ça va être 121. Soit il continue, il calcule 40-40, soit il calcule 50-50. Disons, 40-40 est plus proche. Ça va? Mais s'il calcule 50-50 là-bas, ça bille. Mais c'est plus proche 40-40. Parce que prenons, 120, il y a combien de 40 dedans? 3-40. Et ça fait 121, il y a combien de 40 dedans? 3-40. Et ces 3-40 font 120 juste. Il y a un qui va rester. N'est-ce pas? Donc, si chaque 40, il doit donner combien? Une chamelle de. Donc, il doit donner 3 chamelles de 2 ans zakat s'il a 121 chameaux. C'est compris? Mafou Moulan? Bon, s'il a 200 chameaux, s'il a 200 chameaux, le nombre qui est le plus proche, on regarde toujours. Soit on calcule si 40-40, ou on calcule si 50-50. Le nombre qui est le plus proche, c'est combien? C'est 50-50. Donc, il va donner 4 chamelles de 3 ans. Hekatoun. Ça va? Oui, c'est ce qui est le plus juste. Ça tombe sur 5. La basse. La base. Ça va? Si ça tombe sur 5, on donne 5 chamelles de 2 ans. Après, on va faire un tableau pour vous donner. C'est mieux, non? Hein? Ok, qu'elle facilite, je crois. Ici, Bada al-Mu'allif, Bizakat al-Ibil. L'auteur du livre, il a commencé par la zakat des chameaux. Liana Abu Bakr Siddiq, car Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, bada biha kitabahu. Il a commencé dans la lettre qu'il a écrite, alladhi bayyana fi fara'id as-sadaqa, dans laquelle il a clarifié les obligations de la zakat. Wahia anfasu amwal al-arab. Et c'est les plus précieux des biens des Arabes. Il a commencé par la chamelle. Parce que le chameau, c'est le plus précieux des biens des Arabes, n'est-ce pas? Donc, il a commencé par le chameau. Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il a écrit la lettre. Toyim. Awalan, az-zakat, premièrement la zakat, wajibatun. La zakat est obligatoire sur ces animaux qu'on vient de citer, ces trois types de bétail. Ça va? Les chameaux, les vaches et les moutons. Toyib, c'est obligatoire sur ces trois-là avec trois conditions. Vous avez compris? La première condition, antablogh an-nisab. noter. La première condition en tablera en Nissan, que ça atteint le quota. Quel est le quota des chameaux? Non. C'est? Tu as dit 25. Ah, 5. Aïwa. Abou Abdrahman, concentre-toi. Ah. C'est 5. Vous êtes d'accord? Soyez. La deuxième condition, an yahoula alayha al-hawl. Que l'année passe sur ces 5 chameaux auprès de toi. Je vous donne un exemple. Si vous avez 5 chameaux aujourd'hui, que vous avez commencé à vous occuper d'eux, par exemple, on est dans quel mois? Hijri. On compte sur le mois Hijri. On est dans quel mois? Jumada al-Oula. Ok, tu as 5 chameaux dans Jumada al-Oula. Ça va? Et Jumada al-Oula prochain, ça te fait 1 an avec ces chameaux. Maintenant, si dans Ramadan, tu as vendu 1, ou bien il y a un qui est tombé malade, il est mort. Alors il n'y a plus de zakat sur toi. Maintenant, si dans Muharram, il y a un qui manque, il n'y a plus de zakat sur toi. Maintenant, s'il y a un qui manque dans le mois de Muharram prochain, et qu'il y a un qui manque, et que tu as rajouté un autre, tu reprends le compte à partir de Muharram. Du moment où tu as ajouté l'autre. Non. Comment? Ah. Oui. Oui. C'est-à-dire si tu as un chameau qui est né aujourd'hui. Ça va? Et il a complété le cinquième. C'est au moment où il est né que tu commences à compter. Ça va? Parce que il n'y a pas de différence dans le nombre qui a été donné au nombre de bébés ou pas bébés. Il y a des gens qui vont dire, mais lui, il est trop petit, on ne peut pas le compter. Non, il est dedans. Ok? Et quoi? Ça y est. Non. Maintenant, la troisième condition, antakuna sa'imatun. Antakuna sa'imatun, c'est-à-dire que là, le chameau ou les chameaux mangent ce qui n'a pas été acheté ni cultivé, mangent l'herbe qui est naturelle. Faut pas dire naturelle, hein. Sinon les autres disent tout est venu par la nature. Hein? Bon, souvent on dit ça pour s'exprimer, mais c'est pas facile de se débarrasser de ce mot-là. Hein. Parce que ce mot-là, c'est quand même, ça porte à beaucoup de confusion. C'est ça, non? C'est ce que l'homme n'a pas? Ouais, mais eux, ils mettent dans un autre contexte. C'est-à-dire, oui, il y a deux éléments, éléments naturels, éléments artificiels. Ce que l'homme a fait, c'est artificiel. Ce que l'homme n'a pas fait, qui est venu, boum. En tout cas, si un mot est beaucoup, c'est mieux de laisser. À la coule à la basse, taïeb, qu'Allah nous préserve. Donc, manan nisab, le sens de nisab, c'est quoi? والقدر المعتبر, c'est-à-dire c'est la portion considérée من المال, du bien, لوجوب الزكاه, pour l'obligation de la zakat. وجمعه, son pluriel c'est ansibatun, ça va, بمعنى انك ان ملكت راسا من الابل, c'est-à-dire si toi tu détiens Ra'san min al-ibil, c'est-à-dire un capital ou bien des têtes de chameau. Fala zakata ras une tête de, c'est-à-dire une chamelle. Fala zakata fiya, il n'y a pas de zakat. Fa'in malakta isnein. Si tu détiens deux, la zakata fiya, il n'y a pas de zakat. Wa hakaza hatta tasilu ila khamsatun. Jusqu'à ce que ça atteint cinq chameaux. Ok? Fa'in balagat khamsatun, khamsatu ru'usi min al ibil. Si ça atteint cinq têtes de chameaux, alors qu'est-ce qu'il y a? Fafiha zakatun. Il y a la zakat. Fa'ada yusamma nisab az-zakatul ibil. C'est ce qu'on appelle le quota de la zakat des chameaux. Aïe, al-qadr alladhi idha balaghahu al-mal. C'est-à-dire, la portion que l'argent atteint, indaka, auprès de toi, wajabat fi zakat. Il est obligatoire de faire la zakat dans ce bien-là, si ça atteint. Fa nisab al-ibil, le nisab de ibil, c'est combien? De chameaux? C'est 5. Wa aqallu minha, mais le peu, la zakat fi. Il n'y a pas de zakat à faire. Wa mata balal khams. Si ça atteint les faqad balagha an-nisab, ça atteint le nisab wa wajaba fiha az-zakat. Il y a la zakat est obligatoire sur cela. Tayyib. Naam. Wa dalil qawluhu laysa fiha wa daliluhu wa dalil qawluhu. La preuve qui montre que c'est 5 qui est le nisab, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, et c'est le hadith de Abi Saïd al-Khudri. Ici, Abi Saïd al-Khudri, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Laysa fi ma duna khamsi zaudin. » Il n'y a pas ce qui est en dessous de 5 chameaux, zakat. Ça va? Il n'y a pas ce qui est en dessous de 5 chameaux zakat. Wa laysa fi ma duna khamsi awsukin sadaqa. C'est la même chose. Il n'y a pas ce qui est en dessous de 5 chameaux la zakat. Wa qawluhu, sa parole ici, khamsu zaudin. C'est-à-dire khamsan min al ibil. C'est 5 chameaux. Ça va? Fahad al-hadith, ce hadith, yubayyinu lana nisaba al-ibil. Le hadith nous clarifie ici le quota des chameaux. Waya khamsun min. Et c'est 5. Bi ghaddin nazar ici, c'est-à-dire on ne regarde pas kaunu asghiran aw kabira. Qu'il soit petit ou grand. Même s'il est né aujourd'hui, on le compte. Ça va? Non. Nasallallahu alayhi wa sallam. Omana an yahoul alayha al-hawl. Le sens yahoul, c'est-à-dire passer, alayha al-hawl. Al-hawl, c'est asana. L'année doit passer, c'est-à-dire l'année complète. Aï an yamdi amun kamilun wa hadha an-nisab mawjoudun indak. Que l'année complète passe et tu as ce quota auprès de toi. Pendant que tu as ce quota auprès de toi. C'est compris? Et on a déjà expliqué cela. Mais le cheikh va quand même expliquer. Il dit Fala ou malakta khamsan min al-ibil. Si tu détiens 5 chameaux, fama fauqa. Et ce qui est au-dessus, wa mada amun kamil. Et l'année complète a passé sur cela. Ça va? Wa ya indak, pendant que ces chameaux sont près de toi, fa wajabat alayka zakat. Sa zakat est obligatoire sur toi. Lakin in marrat bika muddatan min al hawli. Mais si un temps de l'année a passé, wa faqad ta fi al khams, et tu as perdu les 5, summa itu ba'da zalika wa jama'ta. Ensuite tu t'es retourné et tu as rassemblé les 5, fa innaka ستبدأ بالحساب من يوم جمعتها في المرة الثانية وما مضى انتهى. C'est-à-dire tu reviens dessus. Ça va? C'est bon? Le direct. Non. Taïb, c'est-à-dire lorsque tu rassembles les cinq, tu commences à compter. S'il y a un qui manque, tu reprends. Ça va? S'il y a un qui manque, tu reprends. Ok? Maintenant, si tu perds les cinq encore, lorsque tu vas rassembler encore les cinq, tu comptes le moment où tu as rassemblé les cinq. S'il y a un qui manque, tu commences à compter le moment où tu as compléter le 1 qui manque. Ça va? Non. Donc ici, Al-Amru Sahl dit Den. C'est très facile, non? Hein? Non. Mukhtar. Soro, faut m'apporter le rallonge là. Avec le chargeur. Il faut approcher ça ici. Non. Non. Si le propriétaire décède, l'appartenance de ce bien-là n'est plus à lui, mais à ses enfants. Donc, c'est haqqun wajibun alal mal. Ça va? Sauf si on partage ce bien entre eux. Et que, dans le partage, ça n'atteint pas le quota. Donc, il n'y a pas de zakat sur eux. C'est compris? Non. C'est compris? Non. Non. Non. Non. Là, Moussa, cette question-là me dépasse. Hein? Il faut écrire la question, tu m'envoies, je vais poser à l'auteur du livre. Ok? C'est-à-dire, il dit celui qui a un héritage et que. Bon, son père est décédé, il a laissé l'argent depuis les petits. Bon, l'argent, ça vaut le quota. Maintenant, celui qui gère l'argent n'a pas donné la zakat. Jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'on lui remette maintenant ses biens. Est-ce qu'il doit compter toutes ces années pour donner la zakat? Alors, c'est mieux de poser la question à ça. C'est compris? Hein? Non. On continue. Abou Raslan, j'ai dit ton nom dans mon dars aujourd'hui. Non, j'ai pas encore fini avec Abou Raslan. T'es venu en retard. On va te faire moins 1. Il a négligé. C'est-à-dire, si lui, il a négligé, c'est ça? Non. Si quelqu'un a négligé, Les savants se divisent en deux catégories sur la masala. Il fait la taouba, parce que quand même c'est un péché. On ne pourra pas rassembler tout, sinon l'argent même ne pourra pas souvent contenir cela. Ça va? D'autres disent que s'il fait une taouba, là, Allah yafira. Ça va? Non. S'il a négligé pour Zakat de 10 ans, il se répand. Ça va? Mais la question de l'autre, est-ce que si l'autre n'a pas donné, tu vois, est-ce qu'il doit donner tout? Ou bien le péché, c'est un péché ou pas? C'est une question qui est un peu truc, quoi. Hein? Non. Ok. Fala Buddha ayahoula alayhi al-hawl. Il faut impérativement que l'année passe dessus, c'est-à-dire sur les cinq chameaux. Aïtamdi alayha sanatun hijriyan kamila. C'est-à-dire l'année, quelle année? Hijri. Ça va? Passe. Wa sunna al-maqsuduhuna le sana afwan. Ce qui est voulu par le sana ici, hiya al-qamariya al-hijriya. C'est l'année lunaire égyrienne. Mais ce n'est pas al-miladi, ce n'est pas grégorienne. Ça va? L'année al-miladi, car l'année grégorienne, fichar il a ghayr mu'tabara. Dans la charia, ce n'est pas considéré. Fada takallamta ma'ahadi ahadi ahli al-ilm. Si tu parles avec un des savants, fala buddha min nisyan tarikh al-miladi. Le cheikh dit, c'est impératif que tu oublies même le tariq, la date de Miladi, c'est-à-dire grégorienne. Tu comptes la date égyrienne. Ça va? Fala tariq, leysalana. Ce tariq là, cette date grégorienne là, c'est pas pour nous. Ça va? Mala saf. Il trouvera des musulmans qui vont dire non, mais pourquoi on dit on ne doit pas considérer ça? Alors que nous, on a grandi dans ça, on allait à l'école avec ça, on a fait ceci, on a fait cela. En tant que musulman, am la sabi muslim. Tu es musulman ou pas? Hein? Quel est le calendrier des musulmans? Est-ce qu'on vous a dit une fois que janvier fait partie des mois de jeûne? Hein? C'est quel mois? Ramadan. Et le Hajj? C'est quel mois? Zulhijja. Est-ce qu'on a dit que le Hajj, là, on calcule ça en décembre ou bien en janvier? Allah, les musulmans, ils ont délaissé leur religion. Hatta nasaw. Ils ont oublié. Fansahum anfusahum. Et Allah les a fait oublier. Hadha laysa lana. C'est pas pour nous. Tayyib, c'est pas pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah dit dans surat Tawba, inna iddat ash-shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard. Le nombre de mois auprès d'Allah est combien? 12 mois. Dans le livre d'Allah, c'est écrit. Ça va? Le jour, il a créé les cieux et la terre. Il a déjà donné le nombre de mois. Minha arba'atu hurum. Il y a quatre mois sacrés. Qui va me citer les quatre mois sacrés? Adam. Muharram. Rajab. Tu es sûr? Hein? Non. Zulhijja. D'abord commence derrière. Ça serait plus facile pour toi. Avant Zulhijja. Hein? Oui? Hein? Si tu commences par Zulkada, c'est plus facile. Tiri Zulqaada, Zulhijja, Muharram, c'est 3 mois coulés. Maintenant, il y a 1 mois qui est isolé. C'est quel mois? Le Rajab. Ça va? Zulhijja, Zulqaada, Zulhijja, Muharram. Et puis, Rajab. Allah dit, Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ces mois-là, lorsque tu fais des péchés, c'est plus grave. Ça va? Que les autres mois. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit ici, وَلَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ. Il faut revenir impérativement il a tariqi al-hijri. Au tariq al-hijri alladhi ayyanahu qu'a mis en place Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Kala lagre. Wada tariq yashhadu lana shay'an. Ce tariq là atteste pour nous quelque chose. Et on peut utiliser la mise en place de ce tariq pour répliquer sur certains innovateurs qui pensent qu'il y a un événement qui est tellement important que les gens de la Sunna ils oublient, mais eux, ils sont les premiers à mettre cela en pratique. Pourtant, les Sahaba n'ont pas calculé cela comme un événement qui est important parce qu'ils ne l'ont jamais fait. D'abord, lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a voulu prendre le point de repère pour le tariq, il y a eu des propositions. D'autres ont dit, prenons la bataille de Badr. D'autres ont dit, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit ceci, d'autres ont dit cela. Omar, avec la mashoura de certains compagnons, il a choisi la hijra. Ils ont choisi la hijra. Taïb, pourquoi ils n'ont pas choisi la naissance du prophète Ras? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Non. Quoi? Non. Pour ne pas ressembler aux chrétiens. Parce que les chrétiens, dans les âmes, dans les mensonges, ils disent que l'an premier est la naissance de Jésus-Christ. Alors que c'est faux. Et ils disent maintenant le 24 décembre. D'autres disent non, c'est pas le 24 décembre, c'est le 31. D'autres disent c'est le 1er janvier. À la cour des Halles, les musulmans ont choisi Tariq al-Hijri. Ils ont choisi quoi? La hijra. Car c'est le moment l'un des moments les plus importants en islam. Ça va? Ils n'ont pas choisi la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les innovateurs, ils disent, mais la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement important. Les sahaba ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans date parce que dans les lois, n'est-ce pas? C'est un tariq qui était connu. Ça va, puisqu'il s'est basé sur d'autres choses. Mais ils n'ont pas utilisé cela. Toyib, qu'Allah nous préserve. Wa hadha tariq al-miladi kana mawjudan fi ahdi sahaba. Ce tariq qui est miladi grégorienne, c'était présent à l'époque des compagnons. Falimada aradu anhu. Pourquoi ils se sont détournés de cela? Wa ataw bi tariq al-hijri. Ils sont venus avec la date égyrienne. La aucune mashru'an, si c'était autour de considérer ça, la akhadoubi. Les compagnons allaient prendre cela. Walakin hada, mais le fait de se baser sur le tariq al-miladi, min sha'air al-kuffar. Ça fait partie des symboles, des signes et des rites qui concernent les mécréants. وَلَيْسَ مِنْ شَعَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Hein? Quoi? Il dit ce qui concerne nos affaires. Ce qui concerne nos affaires, on peut gérer avec. Mais si le pays est sur cela, la base, si le pays est sur cela, ton propriétaire vient encaisser ta maison et puis tu dis non. Que notre moi, il dit, n'est pas encore fini. Cramoké. Ah, ça va chauffer. Ou bien, s'il vient le 31 décembre, tu lui donnes son argent. Ou bien, voilà, et puis tu commences à calculer à partir de là. Mais on veut dire, les événements qui concernent l'islam, nous nous basons sur le tarikh al-Hijri. Ça va? Non. Mada, les musulmans, ils connaissaient déjà quoi? Oui, ils connaissaient très bien. Ils connaissaient le premier mois de l'année, même avant même que Omar ne place. Non. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la Umrah, il a fait le Hajj, c'est dans quel mois il a fait? C'est dans Zul Hijjah. Ça va? Et c'était un mois sacré. Et il a dit aux compagnons que nous sommes dans quel jour? Quel mois? Il leur a posé la question, Fi Hajjat al-Wada, n'est-ce pas? Et il a dit, nous sommes dans un jour sacré, un mois sacré, n'est-ce pas? Donc ce mois était connu ou pas? C'était connu. Il comptait les mois, mais le repère. Pour commencer à compter les années maintenant, chez les musulmans, il fallait maintenant qu'ils se basent sur un repère. Ça va? On va terminer, Inch'Allah, cette partie. Donc le cheikh dit, « Fakullu amalina la buddha takuna bina an la tariq al-hijri. » Tous nos actions doivent être basées sur le tariq al-hijri. « Wa kullu ma turidu an tasalanu. » Si tu veux poser la, tout ce dont tu veux poser la question à son sujet, wa kullu fatwa shar'iyya, toutes les fatwa shar'iyya, sami'taha, dont tu as entendu, la Buddha an yazhaba zihnuka fiha ila tariq al-hijri miladi. Il faut que ta réflexion parte sur le tariq al-hijri, pas tariq al-miladi. Ça va? Tout ce qui concerne l'islam, les musulmans et tout ça. Ça va? Naam. Qu'Allah nous préserve. Ashartu as-salis. La troisième condition. Ça va? Antakuna sa'imatun. Que l'animal soit sa'ima. Et on a expliqué. Wa nani bihi annaha tar'a min al-ushbil mubah. C'est-à-dire, il doit. Comment on dit ça en français? Pâturer. Ça va? L'animal doit manger les herbes qui sont mubah. Mubah, ça veut dire quoi? Autorisé. Non? Ça veut dire quoi, mubah? Non? Permise. Mais c'est quelle herbe? Qui est permis. Non. Abou Fatima. Quoi? Toyib, ce qui n'appartient pas à quelqu'un. Si tu vas rentrer dans le champ de quelqu'un, ça ne rentre pas lui dans le mubah. Ça va? Si tu vas avec tes animaux dans le terrain gardé de quelqu'un, c'est son terrain, et il ne veut pas voir. Hein? Je ne veux pas voir quelque chose là-bas. Et toi, tu vas rentrer dans ça. Hein? Ceux qui vivent au village, ils connaissent. Hein? Souvent, il y a certains de nos frères Peul là. Et ils sont forts dans ça. Hein? ils tournent autour du champ. Ils regardent si le propriétaire est là. S'il n'est pas là, il fait ish, ish, ish. Il fait rentrer les bœufs là dans le champ. Il mange bien. Hein? Ah, non. On ne le laisse pas. On le garde. Mais pourquoi on le laisse? Ah, on le laisse. Aïwa. Non, ça ne laisse pas. Il le laisse comme ça. Mais ce n'est pas normal de le laisser. Ce n'est pas normal. Tu sais pourquoi? Parce que si c'était un lieu où il n'y avait pas de plantation, il n'y avait pas champ de quelqu'un, il n'y avait pas terrain de quelqu'un qui garde, qu'il ne veut pas que quelqu'un rentre dedans, on pouvait comprendre. Kouloudalika Ardullah, ils peuvent manger ce qu'ils veulent sur le chemin. Il y a quelqu'un qui les a mis dans le sac pour partir eux aussi, c'est fini. Parce qu'il y a souvent des poulots là, ils mettent dans le sac. Hein? 4 mois dehors. Allahu Akbar. Bon, dans ce genre de cas, l'animal va le manger dans les champs des gens. Qui a le péché? Ah. On les laisse. En ce moment, il n'y a pas de champ. En ce moment, il n'y a pas de champ, il n'y a rien. Non, c'est pas normal parce que. Parce que il faut que on les garde. Ils peuvent, même s'il n'y a pas champ. Tu vois, généralement dans les villages, là, ils rentrent même dans les chèvres là. C'est des bandits. Ils rentrent même souvent dans les cuisines. Ils vont manger la nourriture des gens là-bas. Le gars a déposé son riz couché là-bas. Il attend le matin, il va venir manger. Il vient voir Cabril à tout manger. Voilà, c'est comme ça. Donc on va terminer ici, quoi. Donc si c'est Mouba, c'est pas quelque chose qui est volé pour faire manger. Alors, si c'est volé pour faire manger, ça ne rentre pas dans ça, Ima. Ok? Aksarul am est la majorité de l'année, walaysa ushban mazru'an. Et ce n'est pas des herbes qui ont été cultivées, min amalika, de ton action, wa kiddika, de ta fatigue. Fa'in allafaha sahibuha. Si maintenant le propriétaire les a donné le alaf, c'est-à-dire les pailles et des trucs, nisful haul ou aksaruhu, la majorité de l'année, ou même la moitié même, fallait ça bi sa'im. Ce n'est pas sa'im. Ça va? On a al-khulta la yajuz. C'est-à-dire que si par exemple le propriétaire il a 5 chameaux et puis il décide de les donner de l'herbe et puis dans peut-être la saison pluvieuse, il ne veut pas les laisser sortir et il va chercher des herbes, il achète ou bien soit il plante des herbes et puis lui-même il enlève pour venir les donner et que la saison pluvieuse c'est 3 mois et que c'est fini, alors il ne calcule pas la saison pluvieuse. Ça va? Même si il les a donné la nourriture la moitié de l'année, c'est lui-même qui sait sa plantation et il allait couper des herbes pour venir les donner. Et puis sa plantation, alors il ne calcule pas ça parce que c'est sa'ima. A sa'ima, c'est ce qui va manger l'herbe pure. Personne n'a planté. Ça poussait comme ça de lui-même par la pluie qui est descendue. Et même si c'est les herbes qui sont secs, souvent qu'on voit dans les savanes et déserts ou autres, mais c'est pas pour quelqu'un. Si ils ont gardé ces chamelles, ils ont mangé de cette manière jusqu'à la fin de l'année, alors ils comptent d'un mois à un autre. C'est-à-dire s'ils comptent de Muharram jusqu'à l'autre Muharram, alors ils donnent la zakat dessus. C'est compris? Faisat amal ma'aloufa. Quant à l'animal, pardon, hein, tu vas poser la question à la fin. Quant à l'animal, al ma'aloufa, wahia, al ma'aloufa c'est quel? c'est celui-là, Mashtara Italaha Alaf. Tu as acheté des pailles, c'est-à-dire des herbes. Wa anta, c'est-à-dire toi tu as acheté, wa amta hamin. Et tu lui as donné à manger, fa'azila zakat afiya. Il n'y a pas de zakat si cela. Fa'iza tawaffarata ishturut as-salasa, si ces trois conditions sont remplies, wajaba zakat fil ibil. La zakat est obligatoire sur le chameau. Ça va? Wa kullu min hadhihi ash-shurut, et toutes ces conditions, là où dalil a une preuve, ça y a tizikru, inshaAllah. Et on va mentionner cela si Allah le veut. Tayyib. Naam. On va s'arrêter ici. Et on va terminer cette partie. Ça nous permettra de revenir dessus la semaine prochaine. On va terminer cette partie la semaine prochaine, inshaAllah. Naam. Naam. Non. Non. Non. Non. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, ce dont on parle ici, si toi tu as cultivé de l'arachide et que les feuilles de l'arachide est restée, tu as gardé pour pouvoir les donner. Ça, c'est connu beaucoup au village. Pour ceux qui sont dans les villages du désert et autres là, c'est connu souvent, ces feuilles-là deviennent même secs. On met souvent en haut d'un hangar et puis on donne souvent aux vaches et autres. Ça va? Donc ça ne rentre pas dans ce qu'on a dit. Ça fait partie du halaf. Ça va? Non. Ah. Non. Ça, c'est une très belle question. Vous avez compris la question? On revient dessus. Non, tu as dit, si par exemple tes bœufs, enfin tes chameaux sont allés manger dans le champ de quelqu'un sans que la personne n'autorise, et que ensuite tu les as chassés, et puis maintenant. Oui. Est-ce qu'ils ont pris ça, Ima? Oui, oui. Et ils sont allés rentrer dans le champ de quelqu'un. Ça, c'est... Non, ça ne retire pas de ça, Ima. Ça ne retire pas de ça, Ima. Mais chez le Malif ici, il a mis cela comme une condition. Ça va, mais ça ne le retire pas. C'est comme le hukum de celui qui a porté un habit volé et autre. Voilà. Mais il a ce péché, mais ça ne retire pas de ça, Ima. Parce qu'à la base, la personne, il est fait pâturer pour lui donner des herbes qui sont... Voilà. Non. Donc on va s'arrêter ici, Bismillah. Je vous demande de bosser, ça va, ce qu'on a déjà vu. Mais en termes de révision... De 5 à 24, on doit donner combien en zakat? De 5 à 24. Non? De 5 à 24. 5 à 24. Ah, non, Aboubakr. Non. Non. Abdelaziz. Et tu ne suivais pas en direct. Ah, non. 5, 5, 5, 5. On calcule les moutons. Hein? Quoi? 4 moutons. De 5 à 24, c'est-à-dire, on calcule les moutons si 5 chameaux. 5 chameaux, 1 mouton. 5 chameaux, 1 mouton. Maintenant, de 25. De 25, à partir de 25. Une chamelle de 1 an, ou bien soit. Soit quoi? Un chameau de 2 ans. Qu'Allah facilite. Ok, maintenant, de 36 à 45, on doit donner quoi? Une chamelle de, c'est ce qui est bintou laboun. Ok, maintenant de 46 à 60, on doit donner hiqatoun. Ça c'est une chamelle de 3 ans. Maintenant, de 61 à 75. On doit donner. On appelle ça comme en arabe. Jazatun. Jazatun. Donc, une chamelle de 4 ans. Maintenant, à partir de 76 à 90, on doit donner la boule. C'est deux chamelles de 2 ans. Maintenant, de 91 à 120. Hein? Hekatan. Deux chamelles de. Vas-y. De 3 ans. Ok. Maintenant, à partir de 121, on fait comment? À partir de 121. Non? Sur chaque 40, on donne. Une chamelle de. 2 ans. Sur chaque 40. Ou bien on fait si chaque 50, on donne une chamelle de 3 ans. Retenez cela. Ok? Si vous avez retenu cela, vous avez le khulasa. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. On a la semaine prochaine, inshallah. Fi masjid Mokbil. Biznillah. Mokbil bin Hadi al-Wadi'i. Qu'Allah préserve le Sheikh. Et qu'Allah nous préserve tous. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته